et, comme il cherchait son regard, Madame Arnoux, afin de l'éviter, prit sur une console des boulettes de pâte provenant des rajustages manqués, les aplatit en une galette et imprima dessus sa main. « Puis-je emporter cela ?» dit Frédéric. « Êtes-vous à ses enfants, mon Dieu ?» Il allait répondre. Sénécal entra. Monsieur le sous-directeur, dès le seuil, s'aperçut d'une infraction au règlement. Les ateliers devaient être balayés toutes les semaines. On était au samedi, et comme les ouvriers n'en avaient rien fait, Sénécal leur déclara qu'ils auraient à rester une heure de plus. « Tant pis pour vous !» Ils se penchèrent sur les pièces, sans murmurer. Mais on devinait leur colère, au souffle rauque de leur poitrine. Ils étaient d'ailleurs peu faciles à conduire, tous ayant été chassés de la grande fabrique. Le républicain les gouvernait durement. Homme de théorie, il ne considérait que les masses et se montrait impitoyable pour les individus. Frédéric, gêné par sa présence, demanda bas à Madame Arnoux s'il n'y avait pas moyen de voir les fours. Ils descendirent au rez-de-chaussée et elle était en train d'expliquer l'usage des cassettes quand Sénécal, qui les avait suivis, s'interposa entre eux. Il continua de lui-même la démonstration, s'étendit sur les différentes sortes de combustibles, l'enfournement, les pyroscopes, les alandiers, les englobes, les lustres et les métaux, prodiguant les termes de chimie, chlorure, sulfure, borax, carbonate. Frédéric n'y comprenait rien, et, à chaque minute, se retournait vers Madame Arnoux. « Vous n'écoutez pas, dit-elle. Monsieur Sénécal, pourtant, est très clair. Il sait toutes ces choses beaucoup mieux que moi. » Le mathématicien, flatté de cet éloge, proposa de faire voir le posage des couleurs. Frédéric interrogea d'un regard anxieux Madame Arnoux. Elle demeura impassible, ne voulant sans doute ni être seule avec lui, ni le quitter cependant. Il lui offrit son bras. « Non, merci bien, l'escalier est trop étroit. » Et quand ils furent en haut, Sénécal ouvrit la porte d'un appartement rempli de femmes.